deuxième temps de notre série sur la guerre de 30 ans qui s'est déclenchée il y a 400 ans, c'était en 1618, et qui a transformé profondément l'image et la façon de se comporter en Europe quand on était un souverain. Après avoir hier défini les grandes lignes de cette guerre de 30 ans avec Hervé Dreillon, nous continuons aujourd'hui sur la religion et la politique. Religion et politique, effectivement, dans cette émission du mardi, parce que nous nous posons la question de savoir ce qui a conduit l'Europe à ce terrible conflit qui a duré 30 ans avec Françoise Hildesheimer. Elle est conservateur général honoraire du patrimoine, elle est biographe et spécialiste de Richelieu en particulier. Damien Tricoire est avec nous également. Il est auteur récemment aux presses universitaires de Paris-Sorbonne de La Vierge et le Roi. Il s'intéresse justement à ces questions des conflits de religion dans l'Europe du 1er XVIIe siècle. Et Nicolas Richard est également avec nous. Il est docteur en histoire de l'université Charles de Prague et également de la Sorbonne. Il est spécialiste de la Bohème au XVIIe siècle. Ils commenteront tous les trois des textes de Voltaire et du comte d'Avaux, négociateur des traités de Westphalie, par exemple, sur la décision apparemment curieuse d'un roi très catholique, Louis XIII, s'alliant avec des puissances protestantes contre un empereur, lui aussi catholique, des textes qui seront lus pour nous par Elsa Dupuis. Ferdinand II se crut avec raison assez puissant pour casser la paix de Passau faite par Charles Quint, pour ordonner de sa seule autorité à tous les princes, à tous les seigneurs, de rendre les évêchés et les bénéfices dont ils s'étaient emparés. Cet édit est encore plus fort que celui de la révocation de l'édit de Nantes qui a fait tant de bruit sous Louis XIV. Ces deux entreprises semblables ont eu des succès bien différents. Gustave Adolphe, appelé alors par les princes protestants que le roi de Danemark n'osait plus secourir, vint les venger en se vengeant lui-même. L'empereur voulait rétablir l'Église pour en être le maître, et le cardinal de Richelieu se déclara contre lui. Rome même le traversa. La crainte de sa puissance était plus forte que l'intérêt de la religion. Il n'était pas plus extraordinaire que le ministre du roi très chrétien et la cour de Rome même soutinssent le parti protestant contre un empereur redoutable, qu'il ne l'avait été de voir François Ier et Henri II ligués avec les Turcs contre Charles Quint. C'est la plus forte démonstration que la religion se tait quand l'intérêt parle. Voilà donc pour ce premier texte de cette émission d'archives du mardi, car désormais l'émission d'archives a lieu le mardi dans la Fabrique de l'Histoire, un texte signé Voltaire dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Bonjour Françoise Hildesheimer. Bonjour. Alors ce texte, il est intéressant, étonnant même d'une certaine façon, parce qu'il fixe peut-être une sorte de vulgate. On est au XVIIIe siècle, Voltaire réfléchit à l'histoire de l'Europe au XVIIe siècle et conclut ce petit texte, qui continue bien évidemment, c'est un extrait, par « C'est la plus forte démonstration que la religion se tait quand l'intérêt parle », donc une sorte de vision séparée d'une réelle politique des États en train de se constituer, des États d'Europe, et de l'autre côté, la religion qui serait totalement séparée. C'est une version, pourrait-on dire, François Hildesheimer, qu'on a longtemps entendue et qu'on entend encore, d'ailleurs. Alors, d'abord, ce texte, il est formidable, parce que Voltaire est un formidable écrivain, un esprit clair, et qui réussit à mettre cette clarté au service de sa thèse, évidemment, et on est, et il faut jamais l'oublier, vous l'avez dit, on est au XVIIIe siècle, et on est dans un climat intellectuel totalement différent de celui dont on va parler ce matin. Ce qui n'interdit pas que l'on a là une clé de lecture qui va s'imposer et qui va en quelque sorte se combiner avec la vision de l'histoire, de sa propre histoire, que Richelieu avait voulu lui-même donner, ce en quoi il avait parfaitement réussi. Donc on a un point de départ qui va servir de base à toute l'historiographie du XIXe siècle, qui va nous présenter cette période comme une période de haute politique, ce qu'elle a été, en mettant un peu en sourdine les aspects religieux que les historiens aujourd'hui réévaluent. Une sorte de laïcisation, pourrait-on dire, de cette politique du début du XVIIe siècle, Nicolas Richard, vous qui êtes spécialiste de la bohème dans cette période, donc entre 1600 et la fin du XVIIe siècle, eh bien, on peut dire que la religion a quelque chose à voir dans un pays qui était quasiment entièrement protestant au début du XVIIe siècle, qui sera entièrement catholique à la fin de ce même XVIIe siècle. Oui, certainement, la religion a des grandes choses à voir dans cette évolution, mais pas seulement la religion et la politique. Et je pense que le problème de Voltaire est quand même de séparer des choses qui sont inséparables et ce qui est très commode pour comprendre l'histoire quand on est à l'école, mais ce qui est beaucoup plus dangereux quand on voudrait faire, avec des idées trop claires, une histoire qui est éminemment compliquée. Parce que si on prend le cas de la Bohème, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une sorte de désordre extraordinaire au début du XVIIe siècle. On en discutera avec vous dans un instant. Je vais donner tout de suite la parole à Damien Tricoire. Bonjour Damien Tricoire. Bonjour. Vous êtes donc auteur de cette Vierge et le Roi, un ouvrage fondamental paru l'année dernière, qui est donc important, préfacé par Denis Crouzet, où justement vous dites, vous, qu'il faut prendre au sérieux les arguments religieux des uns et des autres et qu'il ne faut pas les écarter comme étant simplement une instrumentalisation politique de la religion, dites-vous. Oui, tout à fait. Le problème, en fait, de l'historiographie, c'est que on cherche toujours les motivations, les motifs des acteurs politiques, et on arrive toujours à ne pas pouvoir séparer ou ne pas pouvoir, en fait, décider du poids respectif de la religion et de la politique. Si on les met, en fait, dans une sorte de balancier, on se dit, voilà, la politique est plus importante, les autres diront, c'est la religion qui est la plus importante. Or, je crois qu'il faut reposer la question et se dire que les acteurs politiques prenaient en fait des décisions en prenant en compte la réaction de Dieu qu'ils escomptaient. Et ils discutaient de cela. Et je crois que c'est là qu'en fait, par ce biais-là, que nous pouvons comprendre l'imbrication entre la politique et la religion dans la première moitié du XVIIe siècle. Oui, parce que vous insistez bien dans votre ouvrage, Damien Tricoire, sur cette intrication, ce caractère, pourrait-on dire, impossible, l'impossibilité qu'il y a de séparer l'un et l'autre. On est à la fois l'un, un homme profondément religieux, que ce soit pour Louis XIII ou pour d'autres souverains de l'époque, par exemple, et en même temps, on est aussi un souverain temporel. Oui, et la raison pour laquelle, ou une des raisons pour laquelle c'est le cas, une des raisons pour laquelle, en fait, quelqu'un comme Louis XIII ne peut faire abstraction de Dieu, c'est que il considère Dieu comme un acteur politique. C'est-à-dire que Dieu, pour Louis XIII, comme pour la plupart de ses contemporains, est quelqu'un qui réagit, est un acteur qui réagit à leurs actions. Ce qui fait qu'une décision peut entraîner une punition divine ou au contraire peut amener des grâces divines sur le royaume. Et donc ce n'est pas seulement une question de religiosité personnelle, de piété personnelle. Dieu et ses réactions sont une question éminemment politique dont on parle, dont les élites débattent à cette époque-là. Car bien entendu, tout le monde n'a pas la même idée des réactions potentielles de Dieu. Exactement, on y reviendra avec vous dans un instant. François Dillot-Seimer, vous qui avez travaillé sur le personnage de Richelieu, vous avez noté cela, puisque vous travaillez sur les écrits religieux aussi de Richelieu. Il n'est pas simplement un grand penseur de l'absolutisme et de la montée en puissance du pouvoir du roi. Il est aussi un penseur religieux, bien Richelieu. Sûr, je crois, de toute façon, d'une manière générale, ce qu'on peut dire, qui sous-tend tout notre débat de ce matin, c'est que la définition de l'Ancien Régime, c'est cette union politique-religion indissociable avec effectivement Dieu en acteur. Et il n'est que de relire le fameux testament politique de Richelieu pour voir que l'arrière-plan de tout cela, c'est l'établissement du règne de Dieu. Et alors, on parlait tout à l'heure, vous avez employé le terme de laïcisation de la politique. Il est certain que tout cela se déroule, là, relisons Pierre Legendre, sur fond de sécularisation, d'émancipation du politique. Et je pense que plus que laïcisation, pour notre premier XVIIe siècle, c'est le terme de sécularisation qui signifie assez bien ce qui se passe. Ce que je voulais dire, c'est que on l'a laïcisé a posteriori, parce qu'on voulait d'une certaine façon trouver les racines à la laïcité en train de se créer. C'est retrouvé dans le cardinal de Richelieu, mais comme vous le disiez, Richelieu n'a pas cessé d'être théologien, et ce qui est assez amusant, c'est quand on met en parallèle ces textes politiques, le testament religieux et ces traités de théologie, on va y retrouver des morceaux de phrases identiques qui passent des uns aux autres. La question de l'auteur, elle trouve là, d'ailleurs, Voltaire avait tellement débattu lui-même, elle trouve là sa meilleure résolution, on trouve des mêmes phrases qui passent de l'un à l'autre. Mais alors, Nicolas Richard, prenons un exemple justement de ces questions de jugement de Dieu, pourrait-on dire, ou d'aide de Dieu à la réussite de ses entreprises, à travers le cas de la Bohème, que vous connaissez particulièrement. Voilà donc un endroit qui est le lieu de départ de cette guerre de 30 ans. En 1618, c'est défenestration de Prague, donc qui voit trois envoyés de l'empereur qui sont jetés par la fenêtre par les protestants, qui vont lancer une offensive et qui vont la perdre très rapidement avec la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Et là, effectivement, l'empereur qui veut catholiciser la Bohème et qui va d'ailleurs y parvenir, cet empereur catholique qui dirige l'empire romain germanique, la suite de la longue histoire de cet empire, eh bien, cet empereur voit dans la victoire de la Montagne Blanche le signe que Dieu vient à son secours. Il est catholique et Dieu vient à son secours. Et de l'autre côté, quand il y aura des renversements de situation, toujours en Bohême ou dans d'autres parties de l'empire, et que les protestants gagneront, ça sera la même chose. Ils pensent que Dieu vient à leur secours. Nicolas Richard. Alors, je me demande si on ne doit pas un peu nuancer malgré tout cette idée dans le cas de Ferdinand, parce que dans l'historiographie traditionnellement, Ferdinand II de Habsbourg apparaissait comme un dévot soumis à son confesseur, réunissant des commissions de théologiens dès qu'il avait une décision importante à prendre, représentée dans les gravures à genoux sous son crucifix, etc. Autant de choses qui sont exactes, sauf que c'est par ailleurs quelqu'un qui a une pensée politique extrêmement, j'allais dire, cynique, sans porter de jugement moral. Et ça, le livre récent de Thomas Brockmann, je crois qu'il est paru en 2011, qui a essayé de reconstituer les raisons pour lesquelles les conseils de Ferdinand prenaient à un moment donné une telle ou telle décision, sont assez claires. Si les souverains de cette époque réunissent les théologiens pour prendre des décisions, ce qui est vrai, ils ne tiennent pas forcément compte des avis des théologiens, ou alors quand l'avis des théologiens ne leur plaît pas, on réunit une autre commission avec d'autres théologiens. On va donner la parole dans un instant à Damien Tricoire, mais est-ce que c'est un peu la même chose que ce qui se passe autour de Louis XIII, entre les dévots d'un côté et Richelieu de l'autre, qui n'ont pas tout à fait la même vision du rôle chrétien du roi? Je vous ai écouté attentivement hier et j'ai observé... J'étais surveillé. J'ai observé que ce soit Hervé ou vous avez constamment dit Richelieu et Louis XIII, ce en quoi vous étiez soumis à l'historiographie. Bah oui, dominante. Parce qu'il faut bien savoir que Louis XIII, qui était le premier des dévots de son royaume, a été, à mon avis, nettement plus politiquement belliqueux que Richelieu. Mmh. Les décisions, c'est Louis XIII qui les prend. Et paradoxalement, même cas de figure qu'avec Ferdinand II, on a un roi qu'on nous présente comme un dévot, un hyper scrupuleux, en plus, lui, jusqu'à la manie, qui va ne pas hésiter à mettre en avant ce qui lui paraît essentiel, c'est sa propre gloire et la puissance de son royaume. Il n'a là aucun état d'âme, paradoxalement. Alors, justement, sur ce point, Damien Tricoire, vous revenez dans votre « Vierge et le roi », paru l'année dernière. Vous revenez sur une comparaison, pourrait-on dire, entre la Pologne, la Lituanie, la France et la Bavière, dans ce premier XVIIe siècle, et la position que prennent les souverains de ces puissances européennes, justement, vis-à-vis du rôle qu'ils doivent jouer par rapport à l'influence de Dieu et comment ils doivent d'une certaine façon agir pour pouvoir permettre le royaume de Dieu le plus rapidement possible, Damien Tricoire. Oui, alors il ne s'agit pas seulement du royaume de Dieu, il s'agit tout à fait de défendre aussi ses propres intérêts et d'avancer les intérêts de la dynastie. C'est l'un avec l'autre. Mais voilà, en prenant en compte aussi les intérêts de Dieu pour maximiser les chances de succès. Et je crois que Ferdinand II, pour revenir sur ce cas-là, bien entendu, il cherche les intérêts de sa dynastie, il cherche les intérêts de l'État. Mais je crois qu'il faut prendre au sérieux quand même ses réflexions. Il n'est pas toujours d'accord avec les théologiens, bien entendu, mais ses réflexions sur la manière dont Dieu pourrait réagir à certaines décisions politiques, ce qui est bien entendu toujours incertain. De quelle manière Dieu pourra-t-il réagir? Et ce qui est pour moi tout à fait caractéristique, c'est qu'il a pris des décisions extrêmement risquées, comme beaucoup de ses contemporains, s'engageant dans des conflits très incertains, tout en sachant très bien qu'en prenant certaines décisions, il allait provoquer une levée de boucliers sans pareil, multiplier ses ennemis. Et le calcul qu'il fait, à mon avis, c'est qu'il a une chance de gagner, car il peut avoir le soutien divin dans une certaine cause. Et c'est le cas notamment de l'édit de restitution, donc il faudrait expliquer aux auditeurs ce que c'est, qui est un tournant majeur dans la guerre. C'est la décision en 1629 d'appliquer d'une manière stricte la paix d'Augsbourg. C'est-à-dire que dans la guerre de 30 ans, en fait, il ne faut pas du tout considérer Ferdinand II, l'empereur, comme un fondamentaliste cherchant à recatholiciser tout l'Empire. Donc rien n'est plus faux. Mais au fur et à mesure de la guerre, après tous les succès militaires de la première moitié de ce conflit, il est arrivé à la conclusion que l'on pourrait appliquer la paix d'Augsbourg d'une manière stricte. La paix d'Augsbourg de 1555. Donc de 1555. Et donc dans la paix d'Augsbourg, il y a plusieurs cas de figure qui n'étaient pas vraiment bien réglés, et notamment la sécularisation des évêchés catholiques dans le cas où un évêque protestant serait élu. Et donc, pour les catholiques, cette sécularisation, donc ce passage de ces territoires-là à la réforme, est considéré comme contraire à l'esprit de la loi, et Ferdinand II décide, de concert avec Maximilien de Bavière, avec la Ligue catholique, donc avec les puissances catholiques, de recatholiciser ces territoires-là. Et donc, c'est une décision qui, bien sûr, mène, pour la première fois dans l'histoire de la guerre, à la formation d'un front protestant contre les catholiques. Car il faut bien voir que la première moitié de la guerre n'est pas l'histoire d'un conflit entre protestants et catholiques. Les choses sont bien plus compliquées que cela. Et nous avons seulement, à partir de l'édit de restitution, quelques années où nous avons un front uni protestant contre les catholiques. Mmh. Donc c'est une décision catastrophique qui permet l'intervention de la Suède, qui amène qui a pour conséquence des défaites majeures des puissances catholiques. Et il le savait très bien. Il le savait que c'était que les protestants réagiraient de telle manière, que les luthériens réagiraient. Mais il pensait que Dieu lui donnerait raison d'une certaine façon. C'est ce que vous voulez entendre. Il pensait qu'il aurait une chance de gagner malgré tout. Que en fait Dieu, en lui donnant toutes ses victoires telles qu'il avait, l'appelait à appliquer cette paix d'Augsbourg dans toute sa rigueur, que finalement, il y aurait aussi un risque à ne pas faire cela, il y aurait le risque de perdre ses faveurs divines. Nicolas Richard. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Damien, sauf que j'aurais tendance peut-être à mettre plus l'accent sur le caractère malgré tout prudent de la prise de décision de Ferdinand II. Certes, il y a cet aspect du mit Gott rechnen, de compter avec Dieu dans sa décision, mais en même temps il est extrêmement prudent et il cherche toujours à observer ce que tu dis d'ailleurs, le droit et la justice. L'édit de restitution, c'est observer le droit, et aussi vis-à-vis de la Bohème qui s'est révoltée en 1618 avec la défenestration, qui n'est autre chose en fait qu'un geste de lèse-majesté aux yeux des Habsbourg, parce qu'on balance par la fenêtre du château les envoyés de l'empereur. Pire que des envoyés, des gens qui sont des sortes de vice-rois, donc c'est comme si on prenait le corps du roi et qu'on l'exécutait. C'est un acte, c'est un crime de lèse-majesté à la face de l'Europe. On ne peut rien faire. Et c'est simplement ce geste qui amène Ferdinand, qui jusque-là voulait respecter la liberté de religion en Bohême, à prendre la décision, après la guerre, de recatholiciser la Bohême. Alors, ces questions justement du rôle des souverains et de leur justification dans l'entrée en guerre, on vient de parler justement de cette décision de 1629, il y a d'autres décisions qui se prendront en 1635, c'est l'entrée en guerre de la France, et certains ont tenté de l'expliquer, parmi eux, Claude de Même, comte d'Avaux, vous pouvez nous le présenter, Françoise Hildesheimer, ce comte d'Avaux qui compte tout de même dans la France du premier XVIIe siècle. On est là dans la mouvance de Richelieu, et dans la réorganisation militaire de la France, pour faire court. C'est quelqu'un qui est à l'origine de ce qu'il va falloir promouvoir, c'est-à-dire une force militaire capable d'intervenir en Europe. Et il écrit donc un texte qui s'intitule « Motif de la France dans la guerre d'Allemagne et quelle a été sa conduite », qui est un texte de justification de cette entrée en guerre de la France. Ceux qui ont voulu injurieusement décrier la conduite et les actions de la France dans les guerres d'Allemagne ont fait publier par toute l'Europe que des confédérations avec le défunt roi de Suède et les princes et états de l'Empire avaient mis en péril la religion catholique dans l'Allemagne et relevé un parti abattu, lors que le roi de Suède commença une guerre de laquelle Dieu a autorisé la justice par une quantité de grandes victoires que les confédérés ont remportées sur la maison d'Autriche, qui avait entrepris la ruine de la liberté germanique et de changer la forme de l'Empire. Cependant, il n'y a rien si facile que de justifier le contraire et faire voir à ceux qui ne seront point préoccupés qu'il n'y eut jamais une guerre si sainte et si juste, qu'elle a été entreprise pour empêcher la servitude de l'Europe, qu'elle a été une guerre pure d'État et que l'on a toujours considéré et conservé les intérêts de la religion catholique aussi soigneusement que si les catholiques avaient été dans le même parti. Au contraire, on fera voir que la religion n'a servi que de prétexte et de manteau pour couvrir les ambitieux desseins de la maison d'Autriche, qui, sous les apparences d'une sainte piété, voulait changer la forme de l'Empire et le rendre héréditaire dans la maison, suivant les mémoires de l'empereur Charles Quint. Voilà donc le comte d'Avaux, Claude de Même, qui sera un des négociateurs des traités de Westphalie en 1648, qui se fonde un texte de justification. La France intervient pour défendre la religion catholique alors qu'elle s'allie avec des protestants contre l'empereur Habsbourg, et elle intervient pour empêcher la ruine de la liberté germanique, donc comme une sorte de sauveur d'une Europe plus libre. Tout à fait. Françoise Hildesheimer. Il n'y a rien à ajouter, mais Richelieu lui-même a entrepris d'en remettre une couche, puisque, non content d'écrire des ouvrages politiques, de théologie, Richelieu se voulait également auteur et auteur de théâtre. Et parmi ses œuvres, une œuvre la plus célèbre, et d'ailleurs que l'on rejoue encore aujourd'hui, qui peut être écoutée encore aujourd'hui, c'est sa pièce Europe. Et cette pièce, c'est le développement de ce qui vient d'être lu. C'est une apologie de la politique française. On a Europe, une princesse parée de toutes les vertus et hautement désirable, qui est courtisée par un affreux prétendant qui veut l'assujettir et qui s'appelle Ibère, et un autre qui a toutes les vertus, tous les charmes, et qui ne se soucie que de ça ou de ses libertés, parce qu'au pluriel, c'est quand même plus vraisemblable, oui. C'est Francion, qui a toutes les qualités, et a d'ailleurs a tout l'intérêt d'Europe qui se tourne vers lui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette pièce, on a donc l'affrontement France-Espagne et Empire, L'Angleterre est totalement absente, elle n'apparaît pas, ce qui est bien, montre bien ce qu'était la situation politique du temps. Oui, parce qu'il faut vous dire qu'effectivement l'Angleterre est hors de la de cette question de la guerre de 30 ans, en particulier à cause de la révolution anglaise qui se déroule à ce moment-là. Mais il y a deux petites puissances qui sont tout à fait essentielles, c'est la Lorraine et la Savoie, qui jouent un rôle, qui sont deux fofolles complètement versatiles, que Ibert séduit, que Francion récupère, enfin c'est passionnant comme on les met à l'époque, plein d'intrigues, et Richelieu, donc lui-même, met en scène sa politique, et ce qui est intéressant, et je pense qu'on en reparlera, vous avez prononcé le mot « État », et c'est le mot « État » étant le texte du comte d'Avaux, dans Europe... Une guerre pure d'État, dit-il. On a le mot « État », en revanche, le mot « chrétienté », lui, disparaît, il n'est pas prononcé une seule fois. Oui, alors, Damien Tricoire, vous insistez dans votre livre sur la Vierge et le Roi, sur l'importance, justement, des raisons religieuses qui sont intriquées avec les raisons politiques de l'entrée en guerre de la France dans cette guerre de 30 ans en 1635, et du soutien apporté en particulier avant 1635 par Louis XIII aux puissances protestantes, et en particulier à Gustave Adolphe de Suède, et vous expliquez effectivement qu'il y a là un lien avec la personne du roi tel qu'il se pense, Louis le Juste, qu'il se pense également comme étant le cœur d'une mystique royale, pourrait-on dire, qui prend son envol dans ce premier XVIIe siècle, et qu'il y a dans l'intrication de cette mystique royale et des raisons politiques d'intervention, la volonté que les Habsbourg et l'Espagne ne soient pas les seuls à gouverner l'Europe, mais qu'il faut justement que la France y tienne sa part. Oui, tout à fait. En fait, dans la première moitié du XVIIe siècle, s'impose une différenciation entre le temporel et le spirituel, qui est bien entendu plus ancienne, et le temporel, donc la sphère du roi, en tant que telle, est considérée comme tout autant essentielle que l'affaire sphère spirituelle, d'où l'idée d'une guerre pure d'État qui est ici. C'est-à-dire c'est une guerre qui est ici temporelle, qui n'est pas spirituelle, nous dit Avaux. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension religieuse, car bien entendu, toutes les deux sphères, le temporel et le spirituel, ont été instaurées par Dieu et doivent suivre des buts divins. Et le but de Dieu, quand il a instauré la sphère temporelle, quand il a instauré le pouvoir royal, c'est de faire régner la justice avant tout. D'où cette idée de Louis XIII qu'il est Louis le Juste, et d'où cette idée que défendre l'État, c'est également défendre la justice, et défendre la justice divine. D'où l'idée qu'il faut, en Europe, défendre l'ordre étatique, que l'Europe est en fait un ensemble d'États, avant tout, comme l'a bien dit François Zitelsheimer, et le but de la France serait de défendre cet ordre étatique et que cela plairait également à Dieu. Oui, c'est-à-dire de faire une sorte de contrepoids à cette Espagne, à ces Habsbourg aussi, qui voudraient justement brider les libertés de l'Allemagne, de ces petits États allemands qui sont très nombreux, plusieurs centaines d'États dans cet empire. Et qu'il faudrait justement rétablir la respiration possible de la liberté. D'ailleurs, c'est ce qui interviendra, on en parlera demain, après les traités des Westphalie. Et qu'il y a une légitimité, dites-vous, Damien Tricoire, à faire des alliances, y compris avec des hérétiques ou avec des païens, pour pouvoir justement faire que l'Europe ne soit pas sous la coupe d'un seul. Oui, car Dieu a instauré différents États et... Ses voies sont impénétrables, c'est bien connu. Il a également donné le pouvoir à des hérétiques de régner. Et donc ce n'est pas au roi de France de vouloir, bien sûr, détruire l'ordre que Dieu a instauré. C'est au roi de France de le défendre. Et il est possible, dans ce cas-là, bien que cela reste un petit peu problématique, il faut l'avouer quand même, hein, il y a toujours des hésitations là-dessus, mais il est possible dans cette perspective-là, de s'allier avec des puissances hérétiques pour empêcher cette monarchie universelle que désirent les Habsbourg. Comme l'avait fait, d'ailleurs, c'est ce que disait Voltaire, François Ier avec le Grand Turc, en l'occurrence François Zitelsheimer. C'est vrai qu'une des questions, et puisque vous avez écouté l'émission d'hier, et c'est une des questions que nous nous posions avec Hervé Drévillon, c'est de comprendre pourquoi on fait à la fois le siège de La Rochelle, Donc, pourquoi Richelieu, en homme de guerre, veut réduire justement les protestants de La Rochelle? Pourquoi il combat les calvinistes méridionaux en 1620? Enfin, pourquoi le roi combat les calvinistes méridionaux et en même temps, donc, s'allie avec les puissances protestantes à l'extérieur? C'est vrai que c'est une gymnastique géopolitique, mentale et religieuse qu'il faut comprendre, François Dillesen. Ça nous paraît tout à fait paradoxal de voir cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que, de toute façon, dans l'esprit de Richelieu et du roi, il y avait une responsabilité à l'égard du royaume et de la religion du royaume, ce qui était une appréhension très différente de celle qui vient de nous être exposée par rapport aux États en Europe. Et il y a quelque chose qui me paraît significatif. Bon, on sait ce que Louis XIII pensait, on le sait moins, c'est pour ça qu'on met Richelieu en avant. Il a beaucoup écrit et on a aussi, outre son testament politique, son testament. Alors, on lui a beaucoup reproché ces alliances qui auraient dû lui poser, protestantes, qui auraient dû lui poser un problème de conscience. Et dans son testament, il entreprend de justifier ce qui a chagriné sa conscience au cours de sa vie. Or, pas un mot des alliances protestantes, visiblement, ça ne l'inquiétait pas. En revanche, ce qui l'inquiétait, entre parenthèses, c'est qu'on l'accusait d'avoir trahi sa protectrice Marie de Médicis. Et de ça, il entreprend de se laver très soigneusement. Mais les alliances protestantes ne posaient aucun problème de conscience à ce cardinal de la Sainte Église catholique. Nicolas Richard, qu'en est-il pour cet empereur donc qui se lance dans ce conflit, Ferdinand II, qui se lance dans ce conflit à partir de la défenestration de Prague en 1618 et qui, donc, par son attitude, mais aussi par l'attitude de ses adversaires, va enflammer le reste de l'Europe, justement, sur ces questions de religion. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que le roi de France a à se justifier de s'allier avec les protestants. L'empereur Ferdinand II, dévot, soumis à son confesseur, etc., s'allie pendant la plus grande partie de la guerre de 30 ans avec des protestants et il n'a à en rendre compte à personne, comme quoi l'histoire n'est pas juste, parce que au moment de la guerre de Bohême, 1618-1620, qu'est-ce qui se passe? En fait, des gens qui sont pour la plupart des protestants révoltés contre un empereur catholique qui servent de la défense des libertés religieuses pour se révolter contre leur maître, ces gens-là s'attaquent et recherchent des alliés. Un peu partout, aussi bien parmi les catholiques que les protestants. Que fait l'empereur? Il demande de l'argent en Espagne et puis il s'allie avec les princes électeurs d'Empire, de Saxe notamment, et l'électeur de Saxe envahit une partie du territoire révolté. Alors, je ne sais pas si on peut véritablement parler de conflit religieux en la matière, et ça n'empêche pas que au même moment, à la fin de l'année 1620, a lieu la bataille de la Montagne Blanche entre les troupes des États de Bohême révoltés et les troupes de l'empereur et du duc de Bavière. Et là, c'est une bataille qui a une véritable dimension de croisade, c'est tout à fait évident, mais c'est une croisade qui est faite par une armée qui n'est pas, en fait, si on regarde d'un peu haut, qui n'est pas une armée entièrement catholique, d'une coalition qui n'est pas entièrement catholique. Et ensuite, après la prépète Prague de 1636, on retrouvera l'alliance avec la Saxe, l'alliance aussi avec le Brandebourg. Oui, donc vous voulez dire que les reproches qui ont été faits traditionnellement au roi de France d'avoir passé des accords avec les puissances protestantes, on aurait pu les faire d'eux-mêmes, même si peut-être ces alliances sont minoritaires pour l'empereur, à l'empereur qui se lançait aussi dans ce même combat. Oui, mais c'est une question de propagande. Françoise Hildesheimer. Juste un mot en nous écoutant, là il me vient à l'idée qu'il y a une puissance que l'on n'a pas encore évoquée, qui quand même reste à l'arrière-plan, c'est Rome. Bien sûr. Et cette puissance va jouer quel rôle d'ailleurs? Alors cette puissance, elle n'est pas en expansion sur le rôle politique, on va la voir même progressivement disparaître. Elle apparaîtra encore dans les traités de Westphalie, elle disparaît presque au moment de la paix des Pyrénées. Mais Rome, c'est l'endroit, et Richelieu nous le dit très clairement, où il faut prioritairement négocier. C'est le nœud de toutes les intrigues, d'abord parce que la diplomatie du pape est la meilleure, et c'est quand même quelque chose dont il faut se soucier. Et quelle est la position du pape, justement, vis-à-vis des engagements de ces deux fils que sont le roi de France d'un côté et le roi d'Espagne de l'autre, ou l'empereur. Que dit-il justement ce pape pour pouvoir réconcilier ces enfants qui, a priori, sont en train de se faire la guerre, François? Alors, le pape, il a, pour faire court, à mon avis, un petit problème avec le royaume de France. Et ce problème, il remonte haut. Alors, on ne va pas ouvrir le dossier parce que là, on est là pour trois semaines. C'est la question du gallicanisme. Depuis 1438, hein, la pragmatique sanction de Bourges, donc depuis Charles VII, le royaume de France et l'Église de France se prévalent, encore un mot que l'on va retrouver, de liberté à l'égard de Rome. Ce qui fait que les interventions de Rome dans la politique française seront toujours beaucoup plus atténuées, beaucoup plus prudentes. Et c'est malgré tout le problème qu'il y aura entre le siège de La Rochelle et l'entrée en guerre de la France, de savoir quelle politique le roi de France va faire. Va-t-il se mettre au service de la réforme catholique et faire ce que Richelieu semblait avoir fait avec le siège de La Rochelle, poursuivre la reconquête catholique du royaume, ou se tourner vers l'extérieur, vers une guerre fratricide entre puissances catholiques? Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Françoise Hildesheimer, l'idée qu'il fallait, d'une certaine façon, imposer le pouvoir royal aux protestants du royaume et en même temps peut-être s'allier avec des puissances protestantes à l'étranger. Nous avons retrouvé un document que l'on trouve sur l'excellent site Gallica qui traite de la reddition de la ville de Belfort. C'est en 1636. Un document qui est assez intéressant parce qu'il est constitué de deux colonnes. La première colonne, ce sont les articles qui ont été désirés par les officiers des seigneuries, villes et bourgeois, habitants et sujets de Belfort. Donc ce sont leurs demandes. Et la deuxième colonne, c'est la réponse aux articles demandés par les bourgeois et habitants de la ville, la seigneurie de Belfort, par le conquérant de cette ville de Belfort, Louis de Champagne, comte de la Suze. Nous sommes en 1636, Elsa Dupuis. Article 1. Que les gens d'église, officiers de seigneurie et ville, bourgeois et sujets qui se sont réfugiés au château, ne seront aucunement rançonnés ou molestés, et qu'ils en sortiront en toute assurance avec leurs femmes et enfants et tout ce qui leur appartient, et rentreront en la jouissance du reste de leurs biens comme auparavant. Et à ceux qu'il plaira de se retirer ailleurs, le pourront faire en emportant le leur et en jouir comme s'ils étaient au lieu. Réponse. Accordé comme il est demandé, fort de s'absenter sans permission particulière. Article 2. Que chacun pourra vivre de sa religion en demeurant en son état, sans être contraint de faire autre serment de fidélité que celui qu'ils ont. Réponse. Pour la liberté de religion, chose si assurée qu'il ne se peut davantage, vu que le roi l'a toujours en sa singulière protection, ainsi que j'en ai des commandements très express et particulièrement de Sa Majesté. Article 5. Que la garnison sera de François naturelle et entretenue aux dépens du roi. Réponse. Accordée pour ce qui regarde la nation française, et ce, après la remise de la ville à Sa Majesté, offrant ses bons offices envers elle. Fait à la même heure que la capitulation des gens de guerre, à Belfort, le 28e juin 1636. Mon cachet a été oublié à Montbéliard, en témoignage de quoi j'ai mis ici encore ma signature, Louis de Champagne, comte de la Suze. Voilà donc pour cette reddition de la ville de Belfort qui donc maintient sa liberté religieuse bien qu'ayant été battue par la personne de Louis de Champagne, comte de la Suze, au nom du roi François Hildesheimer. Encore une chose dont on n'a pas parlé et qui est encore à l'arrière-plan de tout ce qu'on dit, c'est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes qui... n'est pas encore évoqué, évidemment. N'est pas encore évoqué, qui a perdu... de ses clauses politiques, mais qui, malgré tout, a conservé ce qui était le principal de ses acquis, c'est l'égalité des sujets du roi, quelle que soit leur religion. Alors, on a dit beaucoup ce que la religion faisait à la guerre. On pourrait dire aussi, Nicolas Richard, ce que la guerre fait aux religions. On a évoqué hier avec Hervé Drévillon la possibilité que, justement, dans cette guerre, il y ait aussi des adversaires qui se comportent honnêtement, alors que ce qu'on a gardé comme souvenir, c'est essentiellement la brutalisation de cette guerre, pour reprendre un terme du XXe siècle, des soldats pendant cette guerre de 30 ans, en l'occurrence. Il y a aussi des prêtres, et vous avez travaillé sur ces prêtres, qui ont été bousculés par la guerre qui se déroulait sur le territoire en Bohême, sur lequel vous travaillez, Nicolas Richard, et ces prêtres sont devenus des prêtres soudards, dites-vous. Ils sont à la fois prêtres, excellents théologiens pour certains d'entre eux, pour l'un d'entre eux entre autres, qui a traduit un grand janséniste de l'époque en langue tchèque, et de l'autre côté, qui se comporte comme un soudard de la guerre de 30 ans. Oui, alors la question qui se posait pour moi était de voir comment une société soumise à 30 ans d'aller-retour militaire réagissait à ça. Et là, on voit que le clergé fait partie des cadres de la société et qu'il est forcé de se définir par rapport à la situation de guerre. Alors pour certains, on va observer de façon très scrupuleuse les canons qui interdisent aux prêtres de porter des armes, sauf une courte épée en voyage, etc. Et certains autres ont une définition un peu plus large de l'arsenal auquel on a droit, et on voit dans les inventaires après décès des véritables armureries dans les presbytères. Et comme les autorités s'effondrent lorsque les armées arrivent, parfois c'est le clergé qui devient un véritable chef de guerre, qui réunit des bandes pour défendre. C'est ce qui se passe à Prague en 1648, dites-vous, par exemple, avec au siège de Prague. Eh bien, contre les Suédois, la troupe de choc, ce sont des prêtres qui la dirigent. Voilà, commandé par un certain Caramuel, qui est un des grands théologiens du XVIIe siècle, mais qui s'avère aussi un ingénieur militaire, comme son papa, d'excellent niveau. Alors ça donne des scènes qui devaient être tout à fait incroyable de voir les jésuites sur le pont Charles se battre contre les soudards suédois, mais en plus gagnant contre l'armée suédoise, qui est une des meilleures armées de l'époque. Et ça donne aussi la possibilité à Nicolas Richard, historien très sérieux, de faire un jeu de mots. Quel lien entre la cure des âmes et la carrière des armes, dites-vous, dans cet article en particulier, Nicolas Richard. Damien Tricoire, cette place de la religion qui nous préoccupe énormément dans cette guerre de 30 ans, vous y revenez régulièrement et vous évoquez, et ça sera peut-être aussi l'occasion d'en parler, ce fameux vœu de Louis XIII qui consacre le royaume de France à Notre-Dame et la place que tient la dévotion mariale, dites-vous, dans cette Europe du XVIIe siècle, c'est-à-dire la place particulière de la dévotion à la Vierge Marie, et en particulier en France, mais pas simplement, en Bavière aussi et dans d'autres endroits de cette France, de cette Europe catholique. Alors nous avons effectivement une vague à cette époque-là de reconnaissance, de nomination, on pourrait dire, de la Vierge comme patronne, non seulement personnelle des princes, mais également de l'État. Et c'est un phénomène tout à fait particulier, car d'habitude, les différents rois ou princes ont recours plutôt à des saints locaux, à des saints qui sont liés à l'histoire de leur royaume, de leur principauté. Là, tout le monde a recours à la Vierge, se place sous la protection de la Vierge et en appelle à son aide dans le combat contre d'autres États, contre d'autres princes qui ont également recours à la Vierge. Oui, c'est-à-dire que la France se dit on est quand même les meilleurs dans ce domaine-là et la Vierge, elle va d'abord nous donner le droit de combattre. Elle préfère la France, disent les penseurs, que les autres puissances européennes. Oui, il y a vraiment une sorte de concurrence, de concours pour essayer de gagner les grâces de la Vierge, les bienfaits de la Vierge, et puis pour affirmer bien haut qu'on les a gagnés, qu'on va les gagner, que donc nous allons gagner la guerre. Et c'est en même temps de la propagande, en même temps c'est dirigé à un grand public, et c'est en même temps le partie prenante d'une sorte de marchandage avec Dieu qu'il faut prendre au sérieux, à mon avis. Françoise Hildesheimer. Bien, oui, Louis Châtelier a bien montré l'essor des confréries mariales à travers tout le royaume de France. Il y a une grande vague de dévotion mariale avec toute l'école française de spiritualité. Alors, autre chose, le vœu de Louis XIII, hein, on sait qu'il n'a pas grand-chose à voir avec la naissance de Louis XIV. Mmh. Mais Louis XIII fait ce vœu bien avant. Bien avant. Ça commence dans les années 130, exactement. Peut-être donc, même à la fin des années 1620. Et ça met en œuvre toute une dévotion mariale à travers tout le royaume. Je reviens une seconde sur la naissance de Louis de Dieudonné, qui est la plus belle illustration de ce qu'on disait en commençant, l'intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu donne à ce moment-là, providentiellement, un héritier au roi. Ça montre bien qu'il est partie prenante dans toute ces événements. Je reviens une seconde sur ce que Nicolas a dit des activités militaires des clercs. Ça me faisait penser que c'était exactement la même chose que ce qu'on trouvait à l'époque mérovingienne, où les clercs prenaient les armes pour propager la religion et étaient d'une efficacité remarquable. Et cette dévotion mariale dont on parle à l'instant, Nicolas Richard, vous la retrouvez aussi dans la bohème du XVIIe siècle, autant que dans le Royaume de France ou dans d'autres pays belligérants de cette guerre de 30 ans? Oui, ou du moins avec une chronologie sans doute qui serait un peu différente et avec moins de force qu'en France, puisque on est dans un pays qui est en train de passer, mais très lentement, au catholicisme. Mais le siège de Prague se termine par un monument, et ce monument, c'est la colonne mariale de la place de la vieille ville à Prague, vraiment au centre de la ville, au centre de la résistance. On construit une colonne, comme on en construit ailleurs dans les pays Habsbourg et en Bavière. Et là, il y a l'excellent livre de Damien Tricoire sur la colonne mariale de Munich qui renouvelle complètement notre vision ces grandes colonnes qui signifient politiquement énormément de choses au cœur de cette guerre de 30 ans. Et au cœur des villes, en l'occurrence, en reconstruction pour certaines d'entre elles, touchées par cette guerre de 30 ans. On voulait terminer, puisqu'on en a parlé hier, avec un texte tiré des aventures de Simplicius Simplicissimus, donc de Grimmelhausen, grand texte éternel, pourrait-on dire, des grands textes européens, grande épopée picaresque qui met en scène Simplex, donc un personnage qui est pris dans les travers, dans les déboires de cette guerre de 30 ans, comme l'a été lui-même Grimmelhausen à la même période, et qui, à un moment, rencontre Jupiter. Pas le même Jupiter que nous connaissons, mais un Jupiter véritablement descendu du ciel. Jupiter lui dit, eh bien, je vais vous envoyer un héros sur Terre, et ce héros va rétablir la paix entre les religions. Un extrait des aventures de Simplicius Simplicissimus, donc lu par Elsa Dupuis. Mon héros saura prévenir ce mal, et avant toute chose, fondre en une seule toutes les religions chrétiennes du monde entier. Ô prodige, m'écriai-je, ce serait une œuvre grande, rare et excellente. Mais comment s'y prendrait-il ? Je m'en voudrais de te le cacher, poursuivit Jupiter. Lorsque mon héros aura pacifié le monde entier, il s'adressera aux chefs spirituels et temporels des peuples chrétiens et des différentes confessions. Il leur fera un sermon émouvant et leur montrera excellemment les funestes divisions qu'ont engendrées jusqu'alors les rivalités en matière de foi. Puis, par un exposé de motifs hautement raisonnables et d'arguments irréfutables, il les amènera à souhaiter d'eux-mêmes une entente générale, pour laquelle ils s'en remettront à lui, vu sa grande intelligence. Il convoquera alors des quatre coins du monde les plus sages, les plus instruits, les plus pieux théologiens de toutes les religions, et il les installera dans une région charmante mais calme, où l'on puisse réfléchir à de graves questions sans être importuné. Et il les chargera de régler d'abord le plus vite possible, mais après mûre délibération, les différends qui séparent leurs religions, puis d'arrêter à l'unanimité les termes de la vraie et sainte religion chrétienne, conformément à la Sainte Bible, aux anciennes traditions et à l'opinion des pères de l'Église. À cette époque, Pluton se grattera l'oreille de perplexité, tant il redoutera de voir son empire diminuer. Il inventera toutes sortes de ruses. Il s'emploiera de toutes ses forces, sinon à faire échouer l'entreprise, du moins à la faire traîner en longueur. Thank you. Un extrait des aventures de Simplicius Simplicissimus de Grimmelhausen, donc qui raconte les péripéties, les déboires de ce héros simplex à l'intérieur de cette Europe de la guerre de 30 ans, qui espère cette réunion des religions par les théologiens, mais aussi par la raison. Et là, on est bien dans ce XVIIe siècle que vous connaissez bien, Françoise Hildesheim. Exactement, et je pense que si on franchit la barrière qui sépare le XVIIe du XVIIIe, on tombe sur Candide. Ce qui nous montre quand même une chose, s'il fallait tirer une conclusion, c'est la complexité de cette période, ouais. Qui est une période qui est à la fois proche de nous parce qu'on y voit apparaître la raison en politique, mais qui est également très éloignée de nous par ce mélange constant qui la constitue. Dernier point, alors là on ne va pas l'évoquer, mais ce qui la sépare énormément de nous, c'est aussi la longueur des communications à travers cette Europe qui, pour nous aujourd'hui habitués à vivre tout en direct, rajoute un élément de complexité. Et pour justement à la fois s'intéresser, parce que cette complexité nous intéresse à cette complexité, mais aussi la clarifier, on pourra vous lire Damien Tricoire dans votre Vierge et le Roi, paru l'année dernière, un livre tout à fait important qu'il faut saluer ici, votre travail. Merci d'avoir été avec nous au téléphone. Un dernier mot très court, Damien Tricoire, très court. Non, je tiens seulement à vous remercier de m'avoir invité. Ah bah, c'est gentil. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et je ne veux pas, là, juste avant la fin de l'émission, rouvrir une nouvelle boîte. Eh bien, on vous lira, donc merci. Et on attend avec beaucoup d'impatience la publication de votre thèse, Nicolas Richard, qui ne saurait tarder, un an ou deux, j'imagine. Oui, j'espère. On peut l'espérer en tous les cas. Merci. Pour pouvoir donc vous lire et lire effectivement le sort de cette bohème au XVIIe siècle dont vous êtes un des spécialistes. Et quant à vous, François Hildesheimer, eh bien, on peut évidemment se plonger dans votre Richelieu. C'était en 2005, mais aussi lire tout un tas d'autres travaux, dont le dernier que vous venez de publier avec Monique Morga-Bonnet, et on en reparlera dans la Fabrique de l'Histoire, Le Parlement de Paris, histoire d'un grand corps de l'État monarchique. C'est à la librairie Honoré Champion. Ça sort tout bientôt. C'est sorti au mois de juillet. Merci encore à tous les trois et merci à Elsa Dupuis qui a lu pour nous les textes. Une émission préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Audrey Guélil nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et demain, nous poursuivons notre série consacrée justement à cette guerre de 30 ans qui nous occupe jusqu'à jeudi. Et demain, nous vous parlerons des traités de Westphalie, comment se conclut cette guerre de 30 ans et surtout comment l'ordre qui s'instaure à ce moment-là, ordre qui sera bousculé bien évidemment par la fin du XVIIe siècle, et bien comment cet ordre nous importe parce qu'il parle encore d'un ordre européen qui durera un certain temps dans cette Europe, en particulier du XVIIIe siècle.